près, près de l'église, où circule la marchandise. Petit trafic de banlieue, comme seul témoin le bon Dieu. Des jeunes sur la corde raide, noirs ou blancs, cheveux longs, raides. Des flics, le curé peut-être, lui n'a qu'à ouvrir sa fenêtre. Puis aussi quelques chômeurs, quand l'argent a une odeur, ainsi toutes sortes d'individus prennent place dans les rues. La nuit tous les chats sont gris, le jour les vieux sont aigris. Moi je me lave les mains de tout, puisque d'autrui je m'en fous. Et quand je croise mes voisins qui pensent que c'est malsain, je ne les sens pas rassurés. On leur dit à la télé qu'on n'est plus chez soi nulle part, la vie devient un cauchemar. Qu'on n'est plus chez soi nulle part, qu'on est cerné de zonards. Parce qu'une minorité sème la terreur au quartier. Une assemblée de bêtas en fait une affaire d'État. Résultat, on voit le loup sortir un peu plus du trou. Étrange et montré du doigt, la misère est hors la loi. Mais la seule racaille que je connaisse pète beaucoup plus haut que ses fesses. Effroyablement suspecte, politiquement incorrecte. Son pitoyable discours rend les aveugles bien sourds, endoctrine les incultes qui lui vouent alors un culte. Avec un seul son de cloche, la vermine est à sa botte. Il crie vive la liberté en imposant de penser qu'on n'est plus chez soi nulle part, la vie devient un cauchemar. Qu'on n'est plus chez soi nulle part, qu'on est cerné de zonards. Là sur le trottoir d'en face, tous les gens font la grimace, parce que de jeunes ingénus se vendent à moitié nus. Alors on parle d'abolition en haut lieu de la nation. Grand nettoyage de printemps, les rues propres aux passants. Et une question se pose, réouvrir les maisons closes afin de ne plus les confondre entre autres femmes du monde. Pendant que le bon proxénète se fait du blé sur internet et matraque pour pas un rond la pauvre catin de marron. En se foutant de la charité, le chef des sans-pitié, premier servi et Macron, oserait affirmer bien haut qu'on n'est plus chez soi nulle part, la vie devient un cauchemar. Qu'on n'est plus chez soi nulle part, qu'on est cerné de zonards. J'aimerais conclure en beauté pour dire à ces empotés qui gouvernent malgré nous que leur vie ne vaut pas un clou. Et même un singe a plus de cœur, enfermé comme un voleur. Lui a la conscience tranquille sans pour autant être libre. Mais si ça peut le consoler, il est en sécurité. Il paraît que dehors ça craint à cause des mendiants des putains. J'ai mis du temps à me décider avant de montrer le bout de mon nez. Tout le monde me crie en garde. Je suis resté à l'écart. Somme toute, je fus berné par leur opinion mal placée. Quand je compris à l'extérieur qu'ils étaient tous de l'intérieur. On n'est plus chez soi nulle part, la vie devient un cauchemar. On n'est plus chez soi nulle part, on est cerné de tocards. On n'est plus chez soi nulle part, la vie devient un cauchemar. On n'est plus chez soi nulle part, on est cerné de tocards.